Tableau de la nature de François-René de Chateaubriand. 2. La forêt. Forêt silencieuse, aimable solitude, que j'aime à parcourir votre ombrage ignoré. Dans vos sombres détours, en rêvant égaré, j'éprouve un sentiment libre d'inquiétude. Prestige de mon cœur, je crois voir s'exhaler des arbres, des gazons, une douce tristesse. Cette onde que j'entends murmure avec mollesse et dans le fond des bois semble encore m'appeler. Oh, que ne puis-je, heureux, passer ma vie entière, ici, loin des humains, au bruit de ces ruisseaux, sur un tapis de fleurs, sur l'herbe printanière, qu'ignorer, je sommeille à l'ombre des ormeaux. Tout parle, tout me plaît, sous ces voûtes tranquilles. Ces genêts, ornements d'un sauvage réduit, ce chèvrefeuille atteint d'un vent léger qui fuit, balance tour à tour leur guirlande mobile. Forêt, dans vos abris, gardez mes vœux offerts. À quel amant jamais serez-vous aussi cher? D'autres vous rediront des amours étrangères. Moi, de vos charmes seuls, j'entretiens vos déserts.